1. Text workup. Listen to the text on the recording. Repeat and answer according to the directions. Listen to the text on the recording. From time to time, you will hear a single or double tone. After each single tone, simply repeat the words or phrases that came immediately before it. After each double tone, answer the question. Une salle de cours, un professeur, des étudiants. Bonjour. Nous allons apprendre le français. Moi, je suis le professeur. Et vous? Vous êtes les étudiants. Nous allons apprendre le français. Moi, je parle français. Voyons, où est-ce qu'on parle français? On parle français au Canada, au Québec. On parle français en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, par exemple. On parle français aux Antilles, à Tahiti. Où encore? Ah bah, en Suisse, en Belgique, et puis en France, bien sûr. En France, on parle français. En Alsace, à Rouen, à Chartres, on parle français. À Paris, on parle français. Nous allons apprendre le français. Le français. Le français. Apprendre le français. Apprendre le français. Nous allons. Nous allons apprendre. Le français. Nous allons apprendre le français. Moi, je suis le professeur. Le professeur. Le professeur. Je suis le professeur. Je suis le professeur. Moi, je suis le professeur. Moi, je suis le professeur. Et vous? Vous êtes les étudiants. Les étudiants. Les étudiants. Vous êtes les étudiants. Vous êtes les étudiants. Vous êtes les étudiants. Vous êtes les étudiants. Qu'est-ce que vous êtes, vous, le professeur ou les étudiants? Les étudiants. Nous allons apprendre le français. Nous allons apprendre le français. Qu'est-ce que nous allons apprendre? Le français. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons apprendre le français. Voyons, où est-ce qu'on parle français? On parle français. On parle français. On parle français. Où? Où? Où est-ce qu'on parle français? Où est-ce qu'on parle français? Où est-ce qu'on parle français? On parle français au Canada, au Canada, au Canada. On parle français au Canada. Au Québec. En Suisse. En Belgique. Et puis, en France. Qu'est-ce qu'on parle au Canada, en Belgique, en France? Français. On parle français.